souffle, ton souffle est coupé. Mes cris inaudibles sont imperceptibles. Je souffre de l'intérieur, source de mes erreurs. Délivre-moi, brise mes chaînes qui m'empêchent d'avancer. T'en prie pour changer de vie. Délivre-moi, brise mes chaînes qui m'empêchent d'avancer. Délivre-moi, ôte ma haine qui me met en danger. Délivre-moi. Mon corps est en peine, ceci n'est qu'utopie, fruit de ma folie. Je vis dans ma prison, je perds la raison, je m'afflige ces dégâts dont je ne souhaite pas. Délivre-moi de ma folie pour épargner ma vie. Délivre-moi, ôte ma haine qui me met en danger. Délivre-moi.